Vénus rustique. Les dieux sont éternels. Il en est parmi nous autant qu'il en naissait dans l'antique Italie. Mais on ne reste plus des siècles à genoux. Et sitôt qu'ils sont morts, le peuple les oublie. Il en étera toujours. Et les derniers venus régneront malgré tout sur la foule incrédule. Tous les héros sont faits de la race d'Hercule. La vieille terre enfante encore des Vénus. Un jour de grand soleil, sur une grève immense, un pêcheur qui suivait, la haute sur le dos, cette ligne d'écume où l'océan commence, entendit à ses pieds quelques frêles sanglots. Une petite enfant gisait, abandonnée, toute nue et jetée en proie au flot amer, au flot qui monte et noie, à moins qu'elle fût née de l'éternel baiser, du sable et de la mer. Il essuya son corps et la mit dans sa hotte, couché en ses filets, l'emporta triomphant, et comme au bercement d'une barque qui flotte, le roulis de son dos fit s'endormir l'enfant. Bientôt il ne fut plus qu'un point insaisissable, et le vaste horizon se referma sur lui, tandis que se déroule au bord de l'eau qui luit, le chapelet sans fin de ses pas sur le sable. Tout le pays aima l'enfant trouvé ainsi, et personne n'avait de plus grave souci que de baiser son corps mignon, rose de vie, et son ventre à fossettes et ses petits bras nus. Elle tendait les mains par les baisers ravis, et sa joie éclatait en rire continu. Quand elle put enfin s'en aller par les rues, posant l'un devant l'autre avec de grands efforts, ses pieds sûrs qui roulaient et chancelaient son corps, les femmes l'acclamaient pour l'avoir accourue. Plus tard, vêtue à peine avec de courts haillons, montrant sa jambe fine en ses élans de chèvre, à travers l'herbe haute au niveau de sa lèvre, elle courut la plaine après le pavillon, et sa joue attirait tous les baisers des bouches, comme une fleur séduit le peuple ailé des mouches. Quand il la rencontrait dans les champs, les garçons l'embrassaient follement de la tête aux chevilles, avec la même ardeur et les mêmes frissons qu'en caressant le col charnu des grandes filles. Les vieillards la faisaient danser sur leurs genoux, ils enfermaient sa taille en leurs mains amaigries, et pleins de souvenirs de l'ancien temps si doux, effleurer ses cheveux de leurs lèvres flétries. Bientôt, quand elle alla rôder par les chemins, elle eut à ses côtés un troupeau de gamins qui fuyaient le logis où désertait la classe. D'un signe, elle domptait les petits et les grands, et du matin au soir, sans être jamais lasse, elle traîna partout ses amoureux errants. Leur cœur, pour la séduire, inventait maintes fraudes. Les uns, la nuit venue, allaient à la maraude, sautant les murs, volant des fruits dans les jardins et ne redoutant rien. Gardes, chiens ou gourdes. D'autres, pour lui trouver de mignonnes fauvettes, des merles au bec jaune ou des chardonnerets, grimper de branche en branche au sommet des forêts. Quelquefois on allait à la pêche aux crevettes. Elle, la jambe nue et poussant son filet, cueillait la bête alerte avec un coup rapide. Eux regardaient trembler à travers l'eau limpide les contours incertains de son petit mollet. Puis, lorsqu'on retournait le soir vers le village, il s'arrêtait parfois au milieu de la plage et, se pressant contre elle, ému, tremblant beaucoup, la mangeait de baisers en lui serrant le cou, tandis que grave et fière et sans trouble et sans crainte, muette, elle tendait la joue à leur étreinte.